Lapa est un quartier de Rio de Janeiro situé entre Santa Teresa et le centre-ville. C'est l'un des secteurs les plus animés le week-end avec de la musique dans les bars. On peut y écouter de la samba, du foro, de l'électro, mais aussi toutes les musiques populaires du coin. Et c'est justement à Lapa, au Carioca da Gema, que se produit Roger Rosé Curry. Nous sommes au Brésil et nous sommes en 2023. Rechacer, vamos pra vida. Quem chorou, quem sofreu com a partida. Já passou, já doeu, já raiou o dia. Novo sol, novo céu, nova alegria. Ei, deixa andar, deixa ser, vamos pra vida. Quem chorou, quem sofreu com a partida. Jeudi soir de Radio Duo, vous êtes dans la nuit des temps. C'est un titre composé par Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe Chic en 1982. C'est surtout un hit de la chanteuse Carly Simon dont on redécouvre le son et ses engagements féministes aujourd'hui. De leur côté, plus de 40 ans plus tard, Stella et Ed Longo la jouent 60s en adaptant en français le célèbre Why de Carly Simon. Pourquoi ? Parce que nous sommes en 2022. Et vraiment, vraiment, Carly Simon avait bien raison de tordre un son léger avec des textes qui n'en finissaient pas d'interroger les mecs. Pourquoi ? Waya. Pourquoi donc La nuit des temps, l'international de la danse. Direction l'Ohio maintenant avec les Black Keys. Le 13 mai 2022, le groupe publie son 11e album et vous entendez déjà Jérémy derrière le bar qui secoue parfaitement son shaker en rythme. Vous êtes en direct sur Radio Duo avec son pylône dressé sur la colline et toutes les bonnes ondes qui cajolent notre bonne vieille ville. C'est pour toi, Saint-Étienne. Tender heart and a beautiful smile, but things are worse. c'est l'histoire d'un énorme malentendu. Paul Young, au début des années 80, c'était le beau gosse anglais qui allait vendre des galettes dans le monde entier et renverser les fans avec sa petite gueule d'ange. Sauf que le garçon, eh bien c'est un vrai passionné de soul et il va opérer ce truc invraisemblable, croiser la soul des années 70 avec la new wave des années 80. C'est un peu la rencontre impossible entre Sam Cooke et Joy Division. Et pour l'avoir croisé dans une autre vie à la mi-temps des années 90, je peux vous dire que non seulement Paul Young est un type charmant, mais il mène aujourd'hui une vie plutôt pépère en famille. Et lorsque l'envie lui prend, le week-end, il part jouer avec ses potes dans quelques pubs dans la campagne anglaise. Et il joue plutôt du blues, et même du blues bien roots d'ailleurs. Car Paul Young a toujours eu la modestie d'un type qui pratique la reprise pour mieux célébrer la musique des autres. On retrouve Paul Young en 1985 avec sa sublime et déconstruite reprise de Ann Peebles, elle datée de 1972. I'm gonna tear your playhouse down. Et là, on est sur l'un des plus beaux jeux de basse, les plus voluptueux des années 80. Comme disent les demoiselles, push, push! Using the power ploy, all you always pass around. The hearts you use as play toys. You've been playing madly with every mind in town. So what you gonna do when you look up one day and see your playhouse tumbling down? La nuit des temps, Radio Duo. Alaya, notre power play de la semaine, ici en 2001 avec son magnifique Red Between the Lines. Petit groove, quand tu nous tiens. Et on va rester la même année, mais cette fois avec Big Boss Man, qui n'est pas uniquement le nom d'un catcheur américain, mais aussi celui d'un groupe anglais. La nuit des temps, l'international de la danse. luxury. The greatest thing that ever happened to me was being damn near 20 and leaving Los Angeles for the first time. I got out my bubble, my eyes just wide. My passport is the most valuable. Massa couldn't catch me, my legs long than a bitch. Got too much self-respect, I wash my hands before I piss. They try to talk me, I'ma just go. Yeah, when I turned 23, that's when puberty finally hit me. My facial hair started growing, my clothes ain't really fit me. That caterpillar went to cocoon, do you get me? See, I was shifting, that's really why cherry bomb sounded so shifty. My taste started changing from what it was when they met me. But first impression is everything, ain't wanna let me go. Always curious as a child and asking questions, so I ain't getting no fucks if and buts if they accept me. Yo, my boy Skateboard P gave me that speech in Italy session. Thankfully by hour three it detour perspective. Thoughts change so rapid, turn a butterfly, fly boy happen. All the bees buzz me, they buzz scream, they love me. First time my private airline accolade song got airtime. Going to my style, body and feelings, and fix my hairline. Calm down in front of camera, I've been this at tens of million. I'm not that little boy I was introduced to at 1-9. Mama's in the shelter when Yonkers drop, I don't say it. When I got her out, that's the moment I knew I made it. I don't come for money, they deny it. Since I don't mirror the stereotypical products of my environment. 8 figures in taxes, taking that shit is stupid. Flower gets its petal, they pluck it, but never use it. It's still potholes in the schools, where does it go? It's still loopholes that I use, nobody knows. Massa couldn't catch me, my legs long than a bitch. Got too much self-respect, I wash my hands before I piss. They try to talk me up, but I keep short like Caesar. Eyes open if I pray, cause I can't trust God either. More wheels when I feel like I'm third wheeling. My favorite part of the double R's, the bird ceiling. The panoramic view of the sky and the sun beaming. That ray of light show that nobody is front seating. I'm on the hunt for perfect, but decent is what I've been on. I know she fell in love, but commitment is not my end goal. And all my friends that did got too comfy, a little chubby. And that drive to make that money dried up when that nose was running. We ain't gotta pay attention to the stuff that he battles. Everyone I ever loved had to be loved in the shadows. Tug of war with X and Y felt like a custody battle. Felt like the boat going down, it felt like I'm missing a paddle. Might buy that crib in Seattle, covered in grass like in gravel. It come with 2 boats and cattle, I'm living sweet, ain't you heard? This perspective from the beak of a bird. You hope I peek, you take my piece, you gon' see me and run. Like thieves in the night, I'm paranoid, I sleep with a gun. The heat on my tongue, the rules because they beefing for fun. I'm thinking for now, I'm conscious, know my hands meet when I bow. I'm grateful, you niggas hateful, you eat at me, you gotta play fool. You can't relate to these things I say to these instrumentals. Whether it's wealth talk or shit that's painful, I paint for pictures of my perspective on these drum breaks, just for you to tell me it's not good from your lunch break. I must be all in love. If I dare, if I dare, give my heart to you, it will have to be, my darling, for my whole life soon. 1955, Lynn Renault. So under your spell, how can I tell? This is meant to be true. If I love, if I love, if I fall in love, I must fall in love with someone, fall in love with me. If I love. It will listen, bought a ticket, whatever. Thank you, thank you, thank you, thank you. I love y'all, man, for real. Everything, let's go. You got me feeling kinda lonely. I never thought that I'd see the day. You tell me you got me. Said you'd always be my one and only. I'm feeling like you're drifting away. Oh, Et voilà, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club, la Nuit des Temps. La Nuit des Temps qui a accueilli sur ce dance floor ce soir des invités venus des quatre coins de la dance, comme le R&B de Alia, qui nous manque tant aujourd'hui et qui était en power play cette semaine. On a également accueilli Roger depuis Rio de Janeiro, Stella et Ed Longo dans leur merveilleuse reprise de Carly Simon et qui se demande toujours pourquoi why. Les Black Keys avec un extrait de leur 11e album. Paul Young, on l'avait un petit peu oublié et que nous sommes allés chercher depuis son fin fond de l'Angleterre dans son cottage. Big Boss Man qui lui cherche toujours un peu d'humanité, Humanize. On a également accueilli Tyler the Creator pour l'un des producteurs les plus excitants de ces dernières années. Et comme on a peur de rien, on a programmé aussi Lynn Renault qui a débuté en dansant sur des tables dans les bars dans le nord de la France, puis a conquis le Casino de Paris avec ses folles revues et qui a ensuite mené une carrière digne de Madonna à Vegas, alors que personne d'entre nous n'était né. Jacob Collier est également venu nous dire un petit bonjour. Et lui, il est allé chercher Michael McDonald, dont on s'est tant moqué, et qui pourtant a tellement marqué le son FM des années 70 et 80, avec des musiciens hors pair comme les Steely Dan. Et là, tout de suite, c'est le génie, le génial, l'extraordinaire Roy Ayers, pour se dire au revoir. Mais on va avoir quelques bonus. Le temps que s'installe notre collègue de com à la radio, Duo, le temps qu'il installe ses machines comme tous les mois. Et pour partir pour un trip sonore pendant plus de 2 heures. Comme à la radio Duo, c'est un truc fou pour vous lancer vers les étoiles, décoller au-dessus de Saint-Étienne. Et allez là-haut, là-haut, là-haut, très très haut dans la stratosphère des sons. Restez bien sur Duo, des petits bonus la Nuit des Temps. Ouvrez grand les oreilles. Buena notte à tous. Salut! Heures. Open your eyes before you open your mouth. Stick out your tongue and let me look inside. I want to find. Down your throat, open your heart to open up your mind. something.